Allô, allô, on s'amile, Bukebi s'amile dit. C'est Bukebi s'amile. Oh, c'est ta maman. Oh, yo, Bishawa. Yeah, Karakoula Narissia, bé. Karama, oula, ta. Quelle qualité les fait pour bloquer ton tête. Continue, rote le guépage, on va crasse ton tête. Pourquoi vous mettre encore? Au comment pis ton corps. Il est un vieux, deux vieux, trois vieux. Avant minuit, puis mon propre PMI. Il tient plus, même il est trop fier. Faut pas m'y tomber, si ça va rentrer. Oui, c'est mort, je suis plus droite possible. Même si c'est mission impossible. Vous pouvez, on t'a où devant poussi ou ça. Casse ça. Continue, ça gagne coup de coup. Mets encore. Coup de coup. Mets encore. Ça gagne coup de coup. Mets encore. Ben, pourquoi ou mets encore. Quoi t'as pu dit Mami mets encore. Quoi t'as pu dit Mi vol en l'air. Mi vol en l'air. Ouais. Mi vol en l'air. Continue ça gagne tout coup. La dis à moi arrête boire. J'ai dit non, ok. La dis à moi arrête sorti. J'ai dit non. Donc moi là j'ai un des trois cafés. Problème, c'est les gars après. Mais tes pensées, autres t'es célibes. Mais non. Coup de coude, malagasse dans la tête d'un coup. Malaga le coup comme Son Goku. 10 gars, 6 mois, ça fait beaucoup. Continue, ça gagne coup de coude. Mets encore. Coup de coude. Mets encore. Ça gagne coup de coude. Mets encore. Ben, pourquoi ou mets encore. Stop. Quoi, t'as plus dit. Moi, mais mets encore. Quoi, t'as plus dit. Mi vol en l'air. Ouais. Mi vol en l'air. Ouais.